Chez le médecin. Je me sens mal depuis un certain temps. Je suis vraiment très fatigué. Et ça fait longtemps que vous êtes fatigué ? Depuis plusieurs mois. Je n'ai aucune énergie. Vous êtes stressé par votre travail ? Non, pas vraiment, mais je voyage beaucoup à l'étranger, alors ça me fatigue. Vous fumez ? Oui. Vous faites du sport ? Non, mais j'ai l'intention d'en faire. Quand est-ce que vous avez pris des vacances la dernière fois ? Ça fait un an à peu près. Eh bien, cher monsieur, je vous conseille de prendre 3 semaines de vacances, de faire un peu de sport, de limiter votre consommation de cigarettes, et je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux.